Le miracle en soi. Extrait de la Renaissance politique, littéraire et artistique du 18 décembre 1920. Hommage à Émile Coué. Dans le courant du mois de septembre 1920, j'ouvris pour la première fois le livre de Charles Baudouin de Genève, professeur dans cette ville à l'Institut Jean-Jacques Rousseau. Cet ouvrage s'appelle « Suggestion et autosuggestion ». L'auteur l'a dédié à Émile Coué, à l'initiateur et à l'homme de bien, en profonde reconnaissance. Je le lus et ne quittai pas le volume avant d'avoir été jusqu'au bout. C'est qu'il contient le très simple exposé d'une œuvre magnifiquement humanitaire, appuyée sur une théorie qui peut paraître enfantine tant elle se trouve à la portée de chacun. Et si chacun la met en pratique, il en découlera le plus grand bien. Depuis plus de 20 ans d'inlassable labeur, Émile Coué, qui habite aujourd'hui Nancy, où il suivit naguère les travaux et les expériences Liébeau, père de la doctrine de la suggestion, depuis plus de 20 ans, dis-je, Coué ne s'est occupé que de cette question, mais tout spécialement pour amener ses semblables à cultiver l'autosuggestion. Au commencement du siècle, Coué avait atteint le but de ses recherches. Il avait dégagé la force immense et générale de l'autosuggestion. Après des expériences innombrables sur des milliers de sujets, il montrait l'action du subconscient dans les cas organiques. Ceci est nouveau, et le grand mérite de ce savant profondément modeste est d'avoir trouvé le remède à des maux terribles, réputés incurables ou douloureux à l'excès, sans espoir de soulagement. Ne pouvant entrer ici dans de longs détails scientifiques, je dirai seulement comment le savant de Nancy exerce sa méthode. Le résumé lapidaire de toute une vie de patiente recherche et d'observation continue, c'est une formule brève à répéter le matin et le soir. Il faut la dire à mi-voix, les yeux fermés, dans une position favorable à la détente musculaire, soit au lit, soit dans un fauteuil, et sur le ton employé pour réciter des litanies. Ces paroles magiques, les voici. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. On doit les prononcer 20 fois de suite en s'aidant d'une corde à 20 nœuds qui fait office de chapelet. Ce détail matériel a son importance. Il assure la récitation machinale et c'est essentiel. Pendant qu'on articule ces mots que le subconscient enregistre, il ne faut penser à rien de spécial, ni à ses maladies, ni à ses peines. Il faut être passif, avec le seul désir que tout soit pour le mieux. La formule à tout point de vue est d'un effet général. Ce désir doit s'exprimer sans passion, sans volonté, avec douceur, mais avec une confiance absolue. Car Émile Coué, au moment de l'autosuggestion, n'appelle nullement la volonté. Au contraire, pas de volonté à cet instant-là, mais que l'imagination, le grand moteur infiniment plus actif que celui qu'on invoque toujours, que l'imagination seule soit en jeu. Prenez confiance en vous, dit ce bon conseiller. Croyez, croyez fermement que tout ira bien. Et en effet, tout va très bien pour ceux qui ont la foi aveugle, fortifiée par la persévérance. Comme rien ne vous l'est fait, je vous raconterai ce qui m'est arrivé à moi-même, avant d'avoir jamais vu M. Coué. J'en reviens donc à ce mois de septembre où j'ouvris le volume de M. Charles Baudouin. À la suite d'un exposé substantiel, l'auteur énumère la guérison de maladies telles que l'entérite, l'eczéma, le bégaiement, la mutité, une sinusite datant de 25 ans et qui avait nécessité 11 opérations, la mytrite, la salpingite, les fibromes, varices, etc. Enfin et surtout les plaies tuberculeuses profondes et la phtisie. Ceci constaté souvent par les médecins traitants. Ces exemples me frappèrent profondément, c'était là le miracle. Il ne s'agissait pas de nerfs mais de maux que la médecine aborde sans succès. Cette guérison de la tuberculose me fut une révélation. Atteinte depuis 2 ans d'une névrite aiguë de la face, je souffrais horriblement. 4 médecins, dont 2 spécialistes, avaient prononcé la sentence qui suffirait à elle seule à cultiver le mal par son influence néfaste sur le moral. Rien à faire. Ce rien à faire avait été pour moi le principe de la pire des autosuggestions. En possession de la formule tous les jours à tout point de vue, etc., je la récitais avec une foi qui, pour être venue subitement, n'en était pas moins capable de soulever des montagnes. Et, jetant bas, châles et écharpes, tête nue, je m'en allais au jardin sous le vent et la pluie, en répétant doucement « Je vais être guérie, il n'y aura plus de névrite, elle s'en va, elle ne reviendra pas », etc. Le lendemain, j'étais guérie, et plus jamais depuis, je n'ai souffert de ce mal abominable qui ne me permettait plus de faire un pas dehors, au moindre vent, à la moindre humidité, et me rendait la vie intenable. Les incrédules diront « C'était nerveux », évidemment, et je leur abandonne ce premier point. Mais, ravie du résultat, J'expérimentais la méthode de Coué au sujet d'un œdème de la cheville gauche, résultat d'une affection des reins réputée incurable. En 2 jours, l'œdème avait disparu. J'agis au point de vue fatigue, dépression morale, etc. Un mieux extraordinaire se produisit, et je n'eus plus qu'une idée, aller à Nancy remercier mon bienfaiteur. J'y fus donc et trouvai l'homme excellent, attirant par sa bonté et sa simplicité, qui est devenu mon ami. C'était indispensable de le voir sur son terrain d'action. Il me convia à une séance populaire. J'entendis un concert reconnaissant. Les lésions pulmonaires, déplacements d'organes, l'asthme, le mal de pote, la paralysie, toute cette horde funeste reculait. J'ai vu marcher une paralytique tordue et déjetée sur une chaise. Coué avait parlé. Il réclamait la confiance, la grande, l'immense confiance en soi. Il disait « Apprenez à vous guérir, vous le pouvez, moi je n'ai jamais guéri personne. C'est en vous qu'est le moyen, appelez votre esprit. Faites-le servir à votre bien physique et moral et il viendra. Il vous guérira. Vous serez fort et heureux. » Ayant parlé, Coué s'approcha de la paralytique. « Vous avez entendu ? Croyez-vous que vous allez marcher ? Oui. Eh bien, levez-vous. » La femme se leva, elle marcha, fit le tour du jardin et le miracle s'accomplit. Une jeune fille atteinte du mal de peau, dont la colonne vertébrale se redressait après 3 visites, me dit son bonheur intense de se sentir renaître alors qu'elle se croyait perdue. 3 femmes guéries de lésions pulmonaires exprimaient leur enchantement d'être rendues au travail, à la vie normale. Coué au milieu de ces gens qu'il aime, m'apparut comme un être à part, car cet homme ignore l'argent. Tout son travail est gratuit et son désintéressement extraordinaire ne lui permet pas de jamais recevoir un centime. « Je vous dois quelque chose, lui dis-je. Je vous dois même tout. Non, seulement le plaisir de continuer à vous bien porter. » Une irrésistible sympathie entraîne vers ce philanthrope bon enfant. Bras dessus, bras dessous, nous fîmes le tour du potager qu'il cultive lui-même se levant tôt. Presque végétarien, il considère avec satisfaction les résultats de son travail. Et puis, la grave conversation reprend. Vous possédez une puissance illimitée, l'esprit. Il agit sur la matière si l'on sait le domestiquer. L'imagination est comparable à un cheval sans reine. S'il traîne une voiture où vous vous trouvez, il peut faire toutes les sottises et vous tuer. Mais attelez-le convenablement, conduisez-le d'une main sûre, il va où vous voulez. Ainsi font l'esprit et l'imagination. Il faut les conduire pour notre bien. L'autosuggestion, formulée par les lèvres, est un ordre que le subconscient reçoit. Il l'exécute à notre insu et surtout la nuit. L'autosuggestion du soir est la plus importante. Elle donne de merveilleux résultats. À cela, lorsque vous ressentez une douleur physique, ajoutez la formule « ça passe », répétez très vite dans une sorte de bourdonnement, en posant la main sur la partie souffrante, sur le front s'il s'agit d'une peine morale, car la méthode agit très efficacement sur le moral. Après avoir réclamé le secours de l'âme pour le corps, on peut le demander encore pour toutes les circonstances et difficultés de la vie. Là aussi, j'ai expérimenté que les événements se modifient singulièrement par ce procédé. Vous le connaissez aujourd'hui. Vous le connaîtrez mieux en lisant le livre de M. Baudouin, puis sa brochure « La force en nous ». Et enfin le petit traité succinct écrit par M. Coué lui-même, « La maîtrise de soi-même ». Si j'ai pu vous inspirer le désir de faire vous-même le pèlerinage de Nancy, comme moi vous aimerez l'homme unique, peut-être, par sa très noble charité, par son amour de ses frères, tel que le Christ l'a enseigné. Et comme moi, physiquement, moralement, vous serez guéri. La vie vous paraîtra meilleure, plus belle. Cela, n'est-ce pas, vaut bien la peine d'essayer. M. Burna Provins.